Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Ce soir, ami Cédric, nous recevons un bluesman que finalement tout renvoie à la montagne. C'est vrai, Francis. D'abord, il y habite, traîne une silhouette patibulaire mais presque de Yeti. Il a atteint les sommets avec Mountain Man en n'hésitant pas à s'aventurer quelquefois hors des pistes balisées du show business. Bref, une carrière qu'il dévale tout chousse. Tu aurais pu aussi ajouter à ce portrait sa voix caverneuse, qui est aussi à la démesure de la montagne. En tout cas, on ne peut pas évidemment rester insensible à la personnalité à la fois puissante et fragile de cet artiste. Certainement pour cela qu'on lui donne du monsieur, d'ailleurs. Mr. Matt revient des sommets pour tracer un chemin en solo. Pour le moment. Mesdames et messieurs, ce soir, et c'est un immense plaisir pour nous de l'avoir à nouveau sur la scène du Blues Café Live, Mr. Matt! I come home in the morning light, my mother said, what you got to live your life right. A mother dear, why not to fortune at once? And girls, they wanna have fun. Oh, girls just want to have fun. Yeah. The phone rings in the middle of the night. My father, yes, what you got to do with your life? Oh, daddy dear, you are still number one. But girl, they wanna have fun. Oh, girl, just want to have that song I really want. Some fun when a working day is done. Oh, girl, they wanna have fun. Oh, girl, just want to have. Some boys take a beautiful girl and hide away from the rest of the world. I want to be the one to walk in the sun, but girl, they wanna have fun. Oh, girl, just want to have that song I really want. Oh, girl, just want to have, girl, they want. Just want to have fun, girl. Just want to have fun, girl. Just want to have fun, girl. Just want to have fun. Just want to have fun. Just want to have fun. That's all I really want. Some fun when a working day is done. Oh, girl, they wanna have fun. Oh, girl, just want to have. That's all I really want. Some fun. Oh, girl, just want to have. Bonsoir le Blues Café. Est-ce que tu vas bien? C'est déjà pas mal. Une petite chanson que j'ai écrite, qui sera son prochain album, qui parle de... J'ai des amis à moi très proches qui ont perdu un de leurs gamins, qui avait 16 ans, et que j'aimais bien. Et je voulais lui rendre hommage avec cette chanson, ça s'appelle « Jouer dans le vent ». Millions d'étoiles qui se tissent et la mer juste en dessous. Regarde maman, je vole, je glisse vers l'infiniment doux. Passe la colère puis l'amertume, temps échoué puis compagnon. Regarde papa ce beau costume, costume de caméléon. Je pars juste jouer dans le vent, ou jouer dans le vent, ou jouer dans le vent, ou jouer dans le vent. Le vert émeraude s'allume ici, avale la pluie et les orages. Échec et Mathéo, je suis juste derrière le virage. Fermez les yeux, je suis au centre, si l'envie vous prend de crier. Maman, je suis juste dans ton ventre, le ventre de toute l'humanité. Je pars juste jouer dans le vent, jouer dans le vent. Ou jouer dans le vent, ou jouer dans le vent. Je pars juste jouer dans le vent, ou jouer dans le vent, ou jouer dans le vent. Je pars juste jouer dans le vent. Ceux qui restent, qui dansent toujours, je suis la brise dans vos cheveux. Regarde ma sœur, je t'aime d'amour, je suis les larmes de tes yeux. Ou jouer dans le vent, ou jouer dans le vent, ou jouer dans le vent. Je pars juste jouer dans le vent, oui, jouer dans le vent, oui, jouer dans le vent. Je pars juste jouer dans le vent. Nous sommes bien au Millennium de l'île d'Abo, en direct pour le Blues Café Live. Et nous avons un grand plaisir de retrouver notre ami Mr. Matt, qui est venu déjà une sacrée paire de fois ici dans le Blues Café. Il vient même quand il n'est pas invité, d'ailleurs, il parfois. Vient... Ouais. Voilà. Maintenant que tu m'as traité de diéti, aucune chance. S'il y avait une carte de fidélité, je pense que tu aurais un menu gratuit ce soir. Ah, cool. Voilà. Alors Matt, on t'a quitté, tu étais un bluesman tout à fait respectable, et là on te retrouve quelques mois plus tard, et bim, une reprise de Cyndi Lauper. On l'a pas vu venir celle-ci. Je me suis réveillé un matin et je me suis senti un peu femme. Ouais. Un peu femme. Un peu femme, un peu femme. Ouais. J'avais mangé du quinoa la veille. Ouais. Ouais, ce jour-là, tu m'as appelé, je t'ai dit que je n'étais pas disponible. J'ai même pas bu de café, j'ai bu un thé vert le matin. Et j'ai eu envie de reprendre cette chanson. Non, mais j'avais envie de reprendre... c'est bien de chanter des des trucs où on ne t'attend pas là, quoi. J'aime bien ça. Ouais, ouais, ça fonctionne bien. Donc, ça sera un titre qui sera sur ton prochain EP, puisque tu es ici tout ce soir parce que tu as une actualité et la sortie de ton EP en novembre. En octobre. Octobre. Le 4 octobre. Alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure, si tu veux bien, Matt. Mais pour l'instant, d'abord, on est ravis de te revoir, tu t'en doutes. Merci, hein. Moi, c'est pareil. Et on rappelle que tu es passé quand même en juin sur la scène de la Blues Party. Et tu as été invité par Gaël Buswell de cette Blues Party. Avant de te cuisiner un peu plus loin, on aurait bien aimé avoir ton sentiment sur ce partage avec Gaël. Bah, c'était un vrai plaisir, Gaël. Ça fait quelques années que je la connais. On se côtoie un peu, on se croise un peu sur des festivals et des choses comme ça. Et j'aime bien cette fille. Elle a la banane, elle est à fond. Elle croit en ce qu'elle fait et c'est un vrai plaisir. Et quand elle m'a appelé en me disant « Hey Matt, ça t'intéresse de venir chanter une chanson ?» J'ai dit « Bah... si mon calendrier il est là, il n'y a pas aucun problème. » Finalement, ça s'est fait rapidement. Et puis, on est arrivé la journée, on a bossé la chanson une petite fois. Et puis voilà, ça s'est fait, mais c'était chouette. Alors, on peut te dire maintenant que c'est à cause de toi qu'il n'a plus des cordes et qu'il a fallu déménager aux abattoirs de Bourgoin, mais bon. Oui. Alors, on va revenir quand même, on va parler de cette EP hein, dans quelques temps. On va parler de cette aventure Mountain Man quand même. On le disait dans l'intro, qui vous a amené au sommet. Tu étais venu ici d'ailleurs avec tes trois camarades, puisque cette formule était au départ un duo, elle a été ensuite un quartet. Alors pourquoi ça s'est arrêté, Mountain Man ? Ça s'est arrêté parce qu'on avait fait un peu le tour. On a fait presque 700 concerts en 9 ans. On a fait, on a joué dans vraiment plein d'endroits différents, sur plusieurs continents. Et c'est une vraie grande aventure. On ne s'est jamais arrêté. On a fait 80-90 dates par an. Et après des choix, de dire à un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part dans le... Est-ce qu'on continue une aventure comme ça ou jusqu'à qu'elle s'essouffle ou on prend un peu l'air ? Voilà, moi j'ai toujours eu l'idée de faire un peu mon projet solo. Et puis la conjoncture a fait qu'à un moment, j'ai eu des appels, quelques coups de téléphone en disant ça t'intéresse, on te propose ça, tatati, tatata. Puis on a pris la décision de dire, Mountain Man s'arrête un petit moment. Et puis, jusqu'à quand, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, Mountain Man s'est arrêté. Et on verra bien. Oui, mais c'est perturbant quand on suit un peu ta vie, parce que ta vie artistique, en tout cas, parce que tu viens de dire que tu repartais en solo, mais justement, tu ne vas pas repartir longtemps en solo. Ça va repartir sur un autre quartet. Non. Quand je dis en solo, c'est en tout cas... le terme solo, c'est de dire je jouais sous mon nom et pas sous le nom d'un groupe. C'est-à-dire que tu joueras dorénavant sous ton nom qui est une personne ou 18 musiciens derrière toi. Exactement. Donc ça sera Mr. Matt Symphonic Orchestra. En tous les cas, pas pour l'instant, mais peut-être. Rien n'est impossible. Bon, pour l'instant, tu repars en solo. Est-ce que c'est le répertoire que du duo que tu as adapté en solo et c'est un nouveau répertoire? Non, c'est solo. Un nouveau répertoire. Alors, ça m'arrive d'aller piocher en live parce que là, cette année, je joue tout seul sur scène, mais ça m'arrive d'aller piocher quelques vieilles chansons de Mountain Man, forcément, parce que j'aime bien ça. Puis il y a des chansons que j'aime chanter. Mais dans l'absolu, non, c'est plein de nouvelles chansons et plein de nouvelles choses qui se présentent à moi. Ouais. Alors, ton répertoire, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu l'as. Déjà, dans les deux titres, on a bien senti ça. Il a toujours été entre le blues, la chanson française, le blues, je dirais même le rock avec Mountain Man dans la formule en quartet. Cette EP qui va sortir, alors on a eu le privilège de l'écouter un petit peu avant qu'il sorte, sera dans cette veine-là. Mr. Matt, c'est tout ça mélangé. Mr. Matt, ouais, c'est ça, de toute façon. J'ai toujours dit, je pense que même que je l'avais dit là, j'ai toujours été un boulimique de musique, j'écoute de la musique vraiment tout le temps, souvent, et j'écoute de tout. Je pars du principe qu'il n'y a pas de. J'aime vraiment pas, comme dans ma vie, j'aime pas les cases et j'aime pas les étiquettes. Les étiquettes et les trucs prédéfinis. Donc, moi, je suis un chanteur de chansons, donc j'aime bien chanter des chansons, peu importe quelles sont, j'essaye d'en faire quelque chose à moi. En plus, tu chantes en français et en anglais. Ouais. Je vais essayer le portugais, mais pour l'instant, je. Ouais. Ça va venir. Ouais. J'ai lu dans une critique, tu aurais pu être le neveu de Cabrel et le cousin de Ray Charles. Ah, je sais pas qui c'est qui a écrit un truc. Ouais, je sais pas. Hein. Alors bonjour les repas de famille. Déjà, Je sais pas. C'est un journaliste de West France. Ah, je sais pas si c'était West France, mais j'ai lu ça. Le jour où je l'ai vu, ça m'a bien fait rire. Écoute, je suis ravi de pouvoir être le neveu de Cabrel et le cousin de Cabrel et le cousin de Ray Charles. C'est un mec avec l'accent du Sud-Ouest qui voit rien. Sur scène, on a vu chanter le titre « Jouer dans le vent », là. Ouais. On a chanté, ouais. Bon, qui se réfère à ce jeune homme, tu en as parlé un peu, porté par la leucémie, mais alors dis-nous-en un petit peu plus quand même. Parce que c'était un titre émouvant. Enfin, c'était un c'est émouvant. Des amis de mon village à Saint-Pierre-de-Chartreuse. En tout cas, j'ai vécu là-bas pendant plus de 20 ans. Et des amis qui avaient un gamin, justement, qui s'appelait Mathéo et qui est décédé à 16 ans d'une leucémie. Il a été malade 3 ans. Et ses parents, qui sont vraiment des amis proches, et leur fille, ils se sont démenés pour essayer de sauver leur môme, quoi, normal. Et en cherchant, en faisant des collectes, parce que leur dernière chance, c'était de trouver un remède qui était aux États-Unis à Seattle. Et donc, ils ont dû récolter beaucoup, beaucoup d'argent pour essayer ça. Et finalement, ça n'a pas marché. Et je ne suis pas très doué dans les hommages. Moi, je voulais juste dire à ma manière que j'aimais bien ce gamin, j'aime bien ces gens, et je voulais essayer de chanter cette chanson. Cette chanson est très émouvante. Hein, je pense que le public peut confirmer. Hein. Alors, avec cette formule, Mr. Matt, ce qui est assez fou, c'est qu'on a commencé, alors que tu n'avais encore pas sorti d'album, à te voir sur des belles scènes, notamment des scènes parisiennes. Ouais. Ouais, on s'est même croisé là-bas. Un jour, on jouait, mais on avait un peu moins de monde que ce qu'il y en avait dans ta salle. Comment tu expliques ça ? Il y a eu une vraie histoire avec Mountain Man. Bah, Mountain Man, c'est une vraie histoire. C'est un vrai pan de ma vie. On s'est rencontrés en 2005. Ça a joué jusqu'en 2018. Et ça a été de 2009 à fin 2018, des tournées non-stop, 4 albums, 6 albums. C'est 4 albums studio, c'est 2 albums live, c'est plus de 60 000 albums vendus. C'est, je sais pas, 2 ou 3 fois le tour de la Terre en bus par an. Et comment tu expliques ça ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit un peu dans l'intro, mais vous êtes pas dans le move de ce qu'on peut aujourd'hui entendre sur les grandes radios. Ben non, mais malgré tout, ça a marché, quoi. Ben ça a marché parce que je crois qu'on s'est donné du mal aussi pour ça. Mmh. Et puis cet amour de la musique live, essayer de faire vivre le spectacle vivant. J'ose espérer, en tous les cas, en tout cas de l'intérieur, moi c'est comme ça que je le vis, mais une extrême sincérité. J'ai pas l'impression qu'on ait triché un moment, on a toujours donné tout ce qu'on pouvait. Et Yann et moi, on est plutôt des gens comme ça, où on essaye de balancer tout ce qu'on peut. Et je pense qu'à un moment, ça paye. Si tu t'accroches à... Il suffit de s'accrocher un peu à ses rêves, des fois. Puis si tu t'accroches bien, tu peux y aller. Il y a un vrai rapport avec le public, en tout cas. Je sais que vous avez rempli le Summum. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui remplissent le Summum à Grenoble, qui est quand même une très grande salle. Ouais. Ouais, c'est cool. c'est vraiment chouette. Ouais, c'est... Une autre expérience dont je voulais te parler, parce qu'en rigolant tout à l'heure, je disais Mr. Matt and Symphonic Orchestra, mais figure-toi que tu as joué avec une grosse formation derrière. C'était à Cognac en juillet 2018, avant que le fameux Crossroads des prix Cognac, dont tu faisais partie. Ouais. Manifestement, tu étais très à l'aise avec cette énorme formation cuivrée derrière toi. Tu n'aurais pas envie d'un truc comme ça une fois, là, d'avoir une grosse formation derrière ? Si, peut-être. Mais alors, j'aime bien quand même la musique un peu, comment dire, moi j'aime bien dire comme ça, mais à l'os, tu sais, la musique un peu vraiment roots, qui a un peu du grain, qui a quelque chose qui se passe. Peut-être un jour, j'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas l'idée du moment. Là, à Cognac, c'était une vraie expérience. On a passé une bonne soirée. On a bu des grands cognacs avec San Severino, c'était chouette. Et donc, je pense que peut-être que ça se fera un jour, je sais pas. Ouais. Alors, on va faire une petite pause musicale. On aime bien aussi dans cette émission. On est aussi comme toi, on écoute beaucoup de musique. D'ailleurs, j'aimerais savoir ton disque coup de cœur du moment. Tiens, qu'est-ce que tu écoutes ? Mon disque coup de cœur du moment ? C'est une bonne question, ça. En ce moment, non, j'ai pas vraiment de disque coup de cœur. En ce moment, je me réécoute The Free Willing de Bob Dylan. Ouais. Vraiment, tu vois, c'est peut-être dans ma période de guitare acoustique. Son premier. Ouais, son deuxième album, mais il y a des chansons incroyables là-dessus. Donc en ce moment, j'écoute beaucoup ça. Ça tombe bien parce que c'est pas du tout ça qu'on va te passer. En tout cas, on peut conseiller le documentaire sur Netflix, sur Bob Dylan, sur la Rolling Thunder Review, qui est extraordinaire et qui m'a aussi complètement replongé dans Dylan durant tout l'été. Je crois que j'ai à peu près tout réécouté. Voilà, nous, on ne va pas réécouter Dylan. Et puis, j'aurais pu te dire, justement, c'est une bonne nouvelle puisque Bob Dylan est ici, mais il n'est pas là. On va écouter un groupe finlandais qui s'appelle Ventus Blues Band, qu'on aime bien. Ouais. On avait déjà beaucoup écouté avec leur dernier album Throwback. Et alors là, ils ont fait une rencontre absolument extraordinaire. C'est un peu leur parrain. C'est Duke Robillard, qui est un énorme musicien texan, un maître de la guitare blues. Et ils ont fait un album ensemble. Ils se murmurent même qu'ils pourraient tourner ensemble. Et ils se murmurent même qu'ils pourraient peut-être... nous verrons bien. Ouais. Et il y a des notamment des belles reprises. Ils reprennent ce titre Two Nineteens de Tom Waits. Donc un groupe qui écoute et qui reprend Tom Waits ne peut pas être mauvais. On se retrouve juste après avec Mr. Matt, après Ventus Blues Band et Duke Robillard. I lost everything I had in the 29th flood. The barn was buried near the mile of mud. Now I got nothing but the whistle and the steam. My baby's sleeping on 219. There's a fellow that preaching about the hell and damnation, bouncing off the wall of the Grand Central Station. I treated her bad, I treated her mean. My baby's leaving on 219. I said, hey, hey, I don't know what to do. Hey, hey, I'm gonna remember you. And hey, hey, I don't know what to do. My baby's leaving on 219. By the yin and the yang, I come out in the lust, but it always leaves a stain. Stir and drown the luster and the sheen. My baby's leaving town on 219. Lost the baby with Boba, and the preacher stole the bride. Sent her out for a bottle when she came back inside. She didn't have my whiskey, didn't have my gin. A hat full of feathers and a wicked cream. I said, hey, hey, I don't know what to do. Hey, hey, I will remember you. And hey, hey, I don't know what to do. My baby's leaving on 219. Further away, the road covers everything you wanted to say. Was the raindrop or tear in your eye? Were you driving your nails or waving goodbye? I said, hey, hey, I don't know what to do. Hey, hey, I will remember you. And hey, hey, I don't know what to do. My baby's leaving on 219. Vous êtes bien dans le Blues Café Live. À l'instant, c'était Ventus Blues Band et Duke Robillard avec cette superbe reprise de Tom Waits. Nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo et sur la scène, il y a Mr. Matt en live. In the great book of John, you warn of the day when you'll be laid beneath the cold clay, when the angel of death will come from the sky down to claim your poor soul when the time comes to die, when the angel of death comes down after you. Can you smile and say that you have been true? Can you truthfully say, with a dying breath, that you're ready to meet when the angel of death, when the lights all grow dim and the dark shadows creep, that you'll love the one I gather to weep? Can you truthfully say, with a dying breath, that you're ready to meet with an angel of death? When the lights all grow dim and the dark shadows creep, that you'll love the one I gather to weep. Can you truthfully say, with a dying breath, that you're ready to meet with an angel of death? Une petite chanson que j'ai appelé ça des lueurs. Je voulais essayer de parler de la vie des gens, tu sais, de tous les jours. J'ai l'impression de la vie qu'on traverse chacun de nous avec des espèces de mots qui pourraient revenir. Et ça s'appelle des lueurs, justement. Des visages, poèmes, des clivages, des gestes pour dire qu'ils s'aiment, des lueurs, des contours, des malheurs, puis quelques mots d'amour, des sourires, des peintures, des plaisir, des caresses pour être sûr, des regards, des bassesses, des égards, puis quelques instants de détresse. Je vous parle de nos vies, de nos vies. Je vous parle de nos vies, de nos vies. Des postures, des manies, des fissures, des charlatans, des prophéties, des prières, des menaces, des œillères, puis quelques idées tenaces. Des louanges, des murailles, des phalanges abîmées, tant de fausses batailles. Des idées, des orgasmes, des inhibés, plus jamais le moindre fantasme. Je vous parle de nos vies, de nos vies. Je vous parle de nos vies, de nos vies. Des manies, des blessures, des folies, sentir se briser son armure. Des regrets, des douleurs, des arrêts, puis le retour de la douceur. Des soupirs, des vertus, des désirs, puis quelques moments incongrus. Des espoirs, des couleurs, des victoires, si tout cela n'était qu'un leurre. Je vous parle de nos vies, je vous parle de nos vies, je vous parle de nos vies, de nos vies. Je vous parle de nos vies, de nos vies. Mr. Matt, il est sur la scène du Millennium de l'île d'Abo dans le Blues Café Live. On rappelle que vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com et il vient nous parler de cette EP. Alors tout à l'heure, effectivement, on me demandait qu'est-ce qu'était un EP. C'est un disque de 4 titres. Voilà. Tu as été un peu feignant quand même sur le coup. Pas du tout. J'ai pas l'impression. Alors pourquoi 4 titres ? Parce que. Et pourquoi pas ? Passons à la question suivante. C'est une carte non, de visite. Parce que, en fait, tu sais, Mountain Man, finalement, moi, je suis quelqu'un, je veux toujours que ça aille vite, mais Mountain Man s'est arrêté il y a 9 mois. Le temps de remettre un projet sur les rails, le temps de retrouver des collaborateurs. Entre-temps, en fait, dans ces 9 mois, j'ai enregistré déjà une dizaine de titres. J'ai signé avec une nouvelle maison de disques. On va en parler. J'ai signé avec un nouveau tourneur, avec plein de nouveaux collaborateurs. Et du coup, tant que tout ça se met en place, ça se fait pas comme ça. Et puis entre temps, il fallait faire aussi un petit peu des concerts, des choses comme ça. Donc, je prends le temps de faire les choses correctement. Donc, il y a un EP qui sort le 4 octobre et il y aura un album complet qui sortira en mars-avril 2020. Alors, tu as signé effectivement avec un gros label, Blue Note Records. Ouais. C'est pas rien, une division de Universal Music, un grand label qui a fêté ses 80 ans d'existence. Comment ça s'est passé cette rencontre avec eux ? Bah écoute, à la fin de Mountain Man, j'ai eu un coup de fil, une proposition d'un label qui s'appelle Fridonia et puis de Fabrice Nataf qui est mon producteur manager maintenant. Et puis, rencontre après rencontre, après quelques dates. On m'a proposé de faire quelques dates. On s'était croisés, justement. J'ai eu la chance de faire 2 cigales. Deux cigales, il faut préciser que c'est la salle La Cigale à Paris. C'est pas les cigales. J'ai eu la chance de faire 2 soirs à La Cigale. Ouais. Et, voilà. et, et, Et un Olympia. Deux Olympia au mois de juillet, ouais, donc voilà. Et... Alors tu m'as montré d'ailleurs tout à l'heure une petite vidéo à l'Olympia, mais c'est absolument fabuleux, parce que imaginez Mr. Matt seul à la fin, l'Olympia c'est combien de personnes ? 2500. Standing ovation, tout le monde debout, qui n'ont pas arrêté pendant des minutes et des minutes d'applaudir, à tel point que lui-même s'est senti un peu seul. Il s'est mis à s'applaudir lui-même, d'ailleurs. C'est vrai ? C'est étonnant. C'est un vrai bon souvenir, c'est chouette. Donc, en tout cas, voilà, donc, rencontre après rencontre, la proposition d'Universal et de Decca Records et de Blue Note. Et puis quelques négociations et puis une signature chez Blue Note. Donc c'est... Je sais pas si j'ai encore trop réalisé. Mais ouais. Tu as 52 personnes qui travaillent pour toi maintenant. Ouais, c'est ça. Non. En fait, tu as changé complètement de tous les gens qui étaient autour de toi, sauf nous. Puisque exactement. Ouais. Toujours là. J'étais dans le contrat, ça douche. On a eu chaud, Cédric, tu sais. Mais alors, justement, est-ce que c'est cette nouvelle relation avec Blue Note, qu'il y a une production sur ces quatre titres qui est assez exceptionnelle au niveau du son, il y a quelque chose de magique, quoi. Bah écoute, ouais, j'ai eu la chance de bosser dans des très beaux studios avec des musiciens incroyables, donc d'avoir une très belle équipe avec moi. L'album en question est, je suis très fier de ça parce qu'on a fait ça en pas beaucoup de temps. Il y a un titre de l'album, un titre en tout cas de ces quatre chansons qui a été enregistré chez Denis Barthe de Noirdaise, chez Noir Désir dans les Landes. Et donc c'est avec les anciens musiciens de Mountain Man. Mais après le reste, sinon, c'est à Paris. On a enregistré ça à Question de Son à Paris, dans un très beau studio parisien. Alors, rappelons qu'en fait, ce EP, c'est aussi une forme de carte de visite qui permet aux artistes de chercher des concerts aussi, enfin, en tout cas, ceux ouais, qui ont en tout cas, matchs. Que ma prod puisse commencer à bosser. Ouais. Voilà, c'est une façon de tester aussi la formule, du coup. D'une certaine manière, c'est déjà avoir quelque chose qui arrive là rapidement et que les gens puissent identifier le nom de Mr. Matt, parce que les gens connaissaient Mountain Man, mais Mr. Matt, c'est nouveau. Donc c'est histoire de si c'est nouveau quand même. En tout cas, je le disais tout à l'heure. comment s'appelle l'EP d'ailleurs ? Tu peux peut-être donner le nom. Freedom, voilà, exactement. C'est une chanson qui est sur cet album. Je disais tout à l'heure, effectivement, sur le ton de la plaisanterie, que tu avais été feignant avec que 4 titres. Comme le dit Francis, on sent que le travail sur ces 4 titres a été vraiment très soigné. Et c'est vraiment très agréable. On a l'impression, quand même, nous, on te connaît depuis très longtemps, on va dire. On ne va pas donner d'années. Et on avait quand même l'impression d'entendre quelque chose de nouveau, comme une nouvelle renaissance avec cet album. C'est un peu ça, ouais, carrément. J'avais envie d'un son... J'avais vraiment, avec Mountain Man, on avait vraiment exploré tout ce qui était justement, j'en parlais tout à l'heure, des musiques un peu roots, et d'aller chercher les choses un peu, tu sais, à l'eau, ces choses-là. Et là, j'avais envie quelque chose de moderne, en fait. Que ça sonne roots, mais moderne. Ouais, c'est un petit peu bizarre comme truc, mais j'aime bien que ça sonne ancien, mais que t'aies l'impression que ça a été enregistré quand même la semaine dernière et pas il y a 60 ans. Ouais. Parce que si c'est pour refaire les choses quand on fait 60 ans, ça m'emmerde, moi. Un peu dans la veine de ce qu'on entend aux États-Unis avec des artistes comme les Black Keys, Dano Harbar ou Jack White, ça te plaît? Ouais, ça fait partie. Ce renouveau-là du blues aux États-Unis, c'est quelque chose que tu suis? Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce côté un peu plus. Peut-être un peu plus rentre-dedans, même si là, c'est pas forcément rentre-dedans, mais j'aime bien ce son un peu épais, un peu. Il y a de la matière, ouais. Alors, ce 4 titres, tu l'as appelé Freedom, et c'est aussi une chanson de ces 4 titres. Tout à fait. Et qui est chantée avec, alors je ne sais pas si les gens connaissent, si les gens regardent la télévision, avec Nathalie Loriot, qui est la choriste de l'émission N'oubliez pas les paroles de Nagui. Alors, ouais, carrément. Raconte-nous un peu cette rencontre. Écoute, c'est une rencontre un peu impromptue. C'est mon producteur qui m'a dit, tiens, ça serait bien de trouver... J'avais dans l'idée déjà de faire un duo, quelque chose comme ça. Et puis... la vie est faite quand même bien. La vie est quand même bien faite, quoi. Tu sais, tu croises des gens, machin. Et puis finalement, croiser cette fille, Nathalie, qui est un amour de nana et qui a une voix incroyable. Moi, personnellement, j'avais jamais regardé l'émission de Nagui, parce que je toujours pas, remarque. en tous les cas, celle-là. On lui dira pas. Est-ce que Nagui est venu te voir en concert, au moins, non plus? C'est possible. Et... en tous les cas, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis la rencontre, tu sais, quand ça match, bonne personne, rapidité pour travailler. Et puis on s'est dit, on enregistre une chanson. Et la chanson, vraiment, elle déchire, quoi. Mais sur scène, alors, il va falloir qu'elle vienne avec toi. Pour une chanson ? Je ne sais pas. Non, mais en tout cas... En tout cas il va passer chez Nagui pour la faire. Quand c'est... Je crois savoir qu'il va passer dans pas mal d'émissions télé, mais on n'a pas le droit de le dire. Ouais. en tous les cas, voilà, c'est quand il sera possible de l'inviter et de chanter cette chanson. Ouais, j'aimerais bien, parce que c'est un plaisir de vraiment chanter avec cette fille, parce qu'elle a une voix incroyable. Et c'est quoi ce titre, Freedom? C'est une chanson qu'on entend dans une bande originale d'un film de Tarantino. Ouais, carrément. C'est une vieille chanson un peu obscure qu'on a dépoussiérée peu à notre sauce. Une chanson qui était un peu soul, un peu truc comme ça, et on en a fait un truc un peu plus... un peu plus rentre dedans. Ouais. Alors, il y a cette chanson en français, on l'a dit, on l'a entendu surtout. Il y a deux chansons en français, deux chansons en anglais. Il y a ce titre, Des Lueurs. C'est une compo ? Oui, tout à fait. Ouais. Elle parle de quoi, cette chanson ? Bah, de la vie. Tout de la vie, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est un petit peu vague. Oui, le mot lueur est troublant, parce que moi, je l'ai même associé à. Tu veux dire, je joue sur les mots, à l'heure. Il y a un leurre à la fin de la chanson. La dernière phrase de la mot, c'est si tout cela n'était que. Voilà, alors, leurre. Ben ouais, j'ai essayé de. En tout cas, je voulais raconter. Moi, en fait, j'ai l'impression de raconter ma vie avec juste des. J'ai eu l'idée, en tout cas, en l'écrivant, de me dire j'aimerais bien pouvoir expliquer comment moi je vois la vie avec juste des mots. C'est pour ça qu'il n'y a pas de phrase, il n'y a que des mots qui reviennent. Et en fait, quand je la relis, c'est pas souvent que je le fais, mais quand je la relis ou quand je la chante, je me dis ben ouais, ça. Je suis plutôt content parce qu'elle me correspond. J'ai l'impression de me dévoiler un petit peu avec cette chanson. Et enfin, sur cet album, il y a un titre. On va presque oublier qu'il a été chanté par Ray Charles, tellement qu'il te correspond. Tu vois, t'es le cousin de Ray Charles. Et le neveu de Cabrel. George on My Mind, c'est un titre que tu chantes depuis très longtemps et qui effectivement te va absolument comme un gant. Et je pense que tu vas quand même la jouer sur cette scène. Sur cette scène du Blues Café, c'est vraiment un titre particulier pour toi, non ? Un peu particulier parce que c'est je le chantais déjà avec Mountain Man, et c'est vraiment un titre qui me poursuit. C'est une chanson qui me plaît, que j'aime chanter, et qui est toute simple en fait. Et c'est une de ces chansons qui en font partie, et puis qui fait partie un peu de l'inconscient collectif aussi, tu sais. Donc, je prends plaisir à chanter ces chansons. Je prends plaisir à chanter des chansons, mais c'est vrai, celle-ci, elle a un petit côté particulier parce que j'aime à penser que des fois, c'est petit peu une de mes chansons, mais juste comme ça. Mais en tout cas, la chanson, elle appartient à celui qui la chante. En tout cas, c'est vrai. Pendant trois minutes. Ouais, c'est vrai. Alors, ces quatre titres préfigurent un véritable album, cette fois-ci, où il ne va pas falloir être feignant. Ouais. Avec, du coup, avec 21 titres, je ne sais pas. Ouais, 21 titres, ouais, des titres partout. Ouais, un album qui devrait sortir cette fois-ci en février, non, par là ? Mars-avril. Mars-avril, ouais. 2020. Les quatre titres qui sont sur cette EP y figureront ? Je ne sais pas. Bon. Non, parce que c'est une bonne réponse ? Non. oui, bah, écoute, on attendra. Hein, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Bon, tu as d'autres projets, mais je sais, tu nous disais. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Voilà, la promo de mon EP attaque juste. Mon EP sort le 4 octobre. Voilà, tout est en train de se mettre un petit peu en place et tout commence maintenant. Donc, je suis au début d'une nouvelle aventure et c'est très excitant, c'est très chouette. Et il y aura d'autres. Alors, c'est la mode en ce moment, les featuring sur ton album. Est-ce qu'il y aura d'autres invités ? Oui. Je suis en train déjà de travailler avec quelques personnes. Ouais. Ouais. Comment dit-on déjà, des invités prestigieux. Des invités prestigieux. Bon, bah, écoute, Matt, tu vas retourner. Ah, je voudrais savoir justement, parce que tu as posé, tu as essayé de vendre une guitare sur Facebook. Je voulais savoir si elle était vendue. Une belle guitare Fender Esquire Custom Shop, tu vois. 30 exemplaires au monde. 30. Alors je relais la pub si t'as pas réussi à la vendre. Elle est presque vendue. Non, parce qu'il y a Cédric qui est intéressé. C'est vrai ? Ouais, je suis pas sûr d'avoir le budget. Il va falloir négocier, quoi. Tu me payes tellement peu dans le Blues Café que. Non, ça va pas le faire. En tout cas, on va écouter Mr. Matt. J'allais dire Mountain Man. Je savais que j'allais le dire pendant cette soirée dans quelques instants, juste avant. Le temps qu'ils rejoignent la salle, Francis, la scène, on écoute les North Mississippi All Stars. C'est un groupe que j'aime beaucoup, mais que je déteste prononcer, par contre. C'est un truc un peu très, très compliqué. Non, mais on peut parler. Tu aimes les North Mississippi All Stars ? J'adore. Je déteste prononcer le nom de ce groupe. J'adore. Ah ouais. T'as pas joué avec eux, enfin Dickinson, Dickinson, Burnside. Sur un festival à Memphis il y a quelques années. Et en fait, il y a deux fils. J'adore ce groupe, ouais. Et ils sortent un nouvel album, tu as probablement eu le temps de l'écouter, qui est vraiment extra. Avec justement, là, il y a un featuring. C'est Cédric Burnside. On les écoute avec ce titre qui s'appelle Out on the Road. Vous êtes bien dans le Blues Café, nous sommes en direct du Millennium. C'est à l'île d'Abo et sur la scène du Blues Café. Il nous présente son nouvel album Freedom, c'est Mr. Matt. Feel like the weight of the world with on my shoulders. Shall I break or retreat and then return? Facing the fear that the truth I discover. No telling how all this will work out, but I've gone too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. And to fight it cost me everything I had. When I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. I know what to wear, lead down, don't come easy. Change all the world that seemed to move in time. Try to walk around if I'm stumbling so familiar. Try to get up by the top that's so strong. It's gonna be winning my bones. I am looking for freedom, looking for freedom. And to find it cost me everything I had. When I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. You know what telling time has been hard, so hard. But if I do the feel the easy way, I won't get far. Trying hasn't been very kind to me lately, but I suppose it's a push from moving on. In time the sun's gonna shine on me nicely. Sunday tells me the things that come in, and I hate gonna not believe. When I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. When I'm looking for freedom, looking for freedom, yet to find it cost me everything I had. Merci. Je cherche l'infime trace de paix dans le vacarme incessant. Passer les je t'aime, je te hais, comme le font les petits enfants. Où vas-tu quand ta tête brûle et construit des sons douloureux? Où vas-tu quand tu déambules et que tout devient insidieux? Oh, ma si jolie demoiselle, oh, ma si jolie demoiselle, tes courbes lascives n'y changent rien, pas plus que tes yeux de féline. Tu décides de ce qui est bien, mais pas de ce que je devine. Tout s'éteint quand on rabâche même le plus grand de tous les joyaux. Tout devient sombre et je me sens lâche de ne plus trouver le moindre mot. Oh, ma si jolie demoiselle, oh, ma si jolie demoiselle, oh, ma si jolie demoiselle, oh, oh, oh, oh, ma si jolie. Si je m'arrête à la dérive, je m'enfuis et donne le temps. La moindre crainte devient esquive qui s'envole au gré des vents. Je ne suis plus de ceux qui restent et trouvent le temps assassin. Je ne serai plus de ceux qui pestent en renonçant au lendemain. Oh, ma si jolie demoiselle, oh, ma si jolie demoiselle, oh, ma si jolie demoiselle, oh, oh, oh, oh, oh, ma si jolie. Oh, ma si jolie, oh, ma si jolie demoiselle. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était le Blues Café live de Mr. Matt. Vous pouvez l'applaudir très fort. Son album, son EP, 4 titres. Mais ça vaut le coup, vraiment. C'est que ça s'appelle Freedom. Très bien. On remercie l'équipe du Millennium. On remercie le studio Magneto et Romain Regimbaud qui était ce soir à la captation vidéo. Et on se donne rendez-vous le mois prochain avec les Yelbos. On se retrouve sur le www.bluesactu.com et on rend la scène à celui à qui elle appartient, Mr. Matt. George, oh, Georgia, the sound of you, just an old sweet sound, keeps Georgia on my mind. I I sail the Georgia. Sweet Georgia, the sun of you, come sweet and clear of the moonlight through the pine. All the harms to reach after me, all the highs smile tenderly, still in peaceful dream I see. It's back to you. Oh, I sail the Georgia, sweet Georgia. No peace, no peace I find. Just to know the sweetest sound keeps Georgia on my mind. Their harms should reach after me. All the highs smile tenderly, still in peaceful dream I see. Oh, the road back to you. Oh, I sail the Georgia, sweet Georgia. No peace, no peace I find. Just now the sweetest song keeps chugging on.